sa conduite envers ses soldats. Il ne jugeait point le soldat sur ses mœurs, ou d'après les hasards de la fortune, mais seulement sur sa valeur. Et il le traitait avec autant de sévérité que d'indulgence. Sévère, il ne l'était pas partout ni toujours, mais il le devenait quand il était près de l'ennemi. C'est alors surtout qu'il maintenait la plus rigoureuse discipline. Il n'annonçait à son armée ni l'heure de la marche, ni celle du combat. Il voulait que, dans l'attente continuelle de ses ordres, elle fût toujours prête, au premier signal à marcher où il la conduirait. Le plus souvent, il la mettait en mouvement sans motif, surtout les jours de fête et de pluie. Parfois même, il avertissait qu'on ne le perdît pas de vue, et s'éloignant tout à coup, soit de jour, soit de nuit, il forçait sa marche, de manière à lasser ceux qui le suivaient sans l'atteindre.